c'est que ça? Oh, je parie que c'est Lucien qui a oublié sa clé, tiens. Oh, c'est bête de vous donner des palpitations pareilles. Voilà, quoi! Oh là là là là, voilà! Mais voilà! Qui est là? C'est moi, j'ai oublié ma clé. Oh, naturellement. Allez, entre! Eh ben, c'est pour demain? Voilà, je te demande pardon. Tu me demandes pardon, t'aurais mieux fait de pas oublier ta clé. C'est gai d'être réveillé en sursaut quand on dort. Je t'ai réveillé? Bah évidemment, tu m'as réveillé. Tu penses pas que j'ai attendu jusqu'à cette heure-ci, non? Oh bah tant mieux. Comment tant mieux? Tu es content de m'avoir réveillé? Ah non, non, je dis tant mieux que tu m'aies pas attendu. Ah, je te demandais un peu si c'est une vie de rentrer à cette heure-ci, tiens. Ouais, j'ai pas pu trouver de fiacre. Il fait un temps. Et avec des lanternes pour vos girards ou le château d'eau. On trouve jamais les lanternes de son quartier. Mais bah, je suis sûr qu'il doit être des heures. Oh non, non, attends, il est à peine. Attends. 4h10. Comment 10? Évidemment, la pendule retarde de 10 minutes. Bon, bah si, mais pas la brûle. Tout à l'heure, quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare, il était à peine. Tu vas me dire qu'il était minuit? Ah, minuit, non, mais. Oui, c'est une chose connue. Quand les maris découchent, les pendules de leur femme battent toujours la brûle. Oh, tu es exagéré, là que je découche à présent. Bah, c'était convenu que je rentrerais tard puisque j'allais au bal des Quatre-Arts. Vous pouvez pourtant pas le quitter avant qu'il puisse commencer. Oui, et bah, t'aurais mieux fait pour y aller du tout. Je te demande un peu, hein, qu'est-ce qu'ils ont dû penser en le voyant, toi là-bas, un homme marié, hein? Je t'assure qu'ils ne sont pas occupés de moi. Mais fais-le attention. Mais ton parapluie, quoi, tu inondes mon tapis. Oh, et ton chapeau, là, il dégoûte. Bah, je te demande pardon. Ah là là, ne pas même voir qu'il rigole. Oui, bah, il a bien de la chance. Oui, oh. Ah, en fait, de l'esprit, va. Ah, non, non. Ouais, bah, la touche que t'as comme ça. Bah, c'est la pluie. Oh, bah, t'es jolie. Bah, regarde-moi ces bols, où ça sort-il? Du magasin de blanc. Bah, ils peuvent y retourner, oh là là. Bon, lève donc ton paletot, tu comptes pas coucher avec, non? Non. C'est vrai, ça. Bon. C'est ça? Bah, j'ai froid. Bon, t'as froid, tu voudrais peut-être que je te plaigne, hein? Mais non, tu me demandes, alors je te dis. Bah, c'est bien fait, ça t'apprendra à faire la noce. Qu'est-ce que tu fais dans la cheminée? Bah, j'essaie de me réchauffer. Mais y a pas de feu. Y a pas de... Hein? Oh, bah, l'habitude, tu sais, comme quand il y a du feu, c'est là-dedans qu'on le met, alors inconsciemment. Ah oui, alors c'est peu charitable à toi de m'enlever mes illusions. Je commençais déjà à me réchauffer. Ah, parce que tu te chauffes avec des illusions, toi. Bah, dorénavant, mon vieux, pour ton feu, hein? Ouais, la madame. Non, on pensait qu'on est mariés que depuis 2 ans et que monsieur loge déjà sa femme pour aller au bal des Quatre-Arts. Écoute, je t'en prie, je suis fatigué, tu me feras une scène demain. Oh, je te fais pas de scène, je constate. Bah, si tu ne comprends pas qu'un homme a besoin dans la vie pour ne pas s'encrouter de tout voir, de tout connaître, pour former son esprit. Oh, non, non, écoutez-moi ça, dis donc, t'es caissier aux Galeries Lafayette. C'est ça qui peut te servir pour ton métier de connaître le bal des Quatre-Arts? Je suis pas caissier, je suis peintre. T'es peintre, tu barbouilles. Je barbouille? Absolument, tant qu'on vend pas, on barbouille. Est-ce que tu vends? Ben non, je ne vends pas, la belle Malice, je vends pas. Je vends pas parce qu'on m'achète pas, sans ça. Ah, t'as jamais bien peint qu'une chose, tiens. Ah. Ah oui, là, ma baignoire, Henri Paulin. Oh oui, oh, c'est drôle, oui, c'est spirituel. Va, marche, n'empêche que je suis plus artiste que tu ne crois. Aussi comme artiste, est-il tout naturel que j'aille chercher des sensations d'art? Mais si tu vas chercher des sensations, un point c'est tout, mais ne parle pas d'art. Oui, oh, tu me cours. Dis donc, toi, si tu m'en as une, si je te cours, hein? Cite-moi une de tes sensations d'art. Mais absolument. Mais c'est pas une réponse, hein, cite-moi une. Mais je n'ai que le choix. Tiens, quand le cortège a fait l'entrée d'Amphitrite. Mais c'est peut-être pas seulement ce que c'est qu'Amphitrite. Oh, n'est-ce pas, je sais pas ce que c'est, hein. C'est une maladie du ventre. Quoi? Absolument. Une maladie du ventre? C'est la déesse de la mer. Ah? Eh ben, je confonds, quoi. Je confonds avec l'antérite. Eh ben, ça ne se ressemble pas. Bah, on peut se tromper, non? Ouais. Eh ben, quand le cortège a fait son entrée, ça a été une sensation d'art. Un modèle admirable, complètement nu, dans une coquille nacrée, portée par des tritons et des sirènes. Une femme toute nue? Oui, toute nue, oui. Bah, c'est du propre. Ah non, c'est ce qui te trompe, ça n'avait rien à convenant. Eh bah, ben, je ferais ça, moi. Oh, bah oui, quoi, ça c'est bête ce que tu dis là. Enfin, quoi, une chose est inconvenante ou elle ne l'est pas? Bah, elle ne l'est pas quand c'est des modèles. Et celui-là, alors, une ligne et des seins, comme j'en ai jamais vu. Bah, je te remercie. Alors, tu étais encore poli. Alors bon, tu vas te formaliser, mais je ne dis pas ça pour toi. Évidemment, les tiens sont très jolis, mais enfin, c'est tout de même pas des seins de modèle. Vraiment? Et dis donc, hein? Qu'est-ce que tu leur reproches? Alors, voyons, hein? Alors. Ah, qu'est-ce que tu leur reproches, hein? Que tu es bête. Ah, tu pas touche, hein? Va donc toucher ceux de la dame, puisqu'ils sont mieux que les miens. Alors, voyons. Qu'est-ce que tu leur reproches? Mais hein? Peu de choses, oh. Tiens, même en dessous, ils sont très bien, là, tu vois que je suis juste. Seulement au-dessus, dame, ça... Ça creuse un peu. Ça creuse? Oui, alors ça les fait légèrement en porte-manteau. En porte-manteau, alors ça c'est propre, par exemple. En porte-manteau. Allez! Allez, allez, où debout, vous? Madame. Ben, vous entendez ce que je vous dis? Allez, plus vite que ça. Oh, oui, madame. Oh, là, là, là, là. Annette, Annette, Annette, c'est Annette qui est dans ma chambre? Bah quoi, Annette? T'aurais peut-être voulu que je reste toute seule devant le clôt à aller faire la noce, hein? Moi, la nuit, j'ai peur. Non, mais tu fais coucher la bonne dans mon lit à présent, alors où est-ce que je vais coucher, moi? Et ben là. Quoi, quoi, là, avec la bonne? Mais quoi, la bonne, quoi, la bonne? Maintenant que t'es rentrée, Annette montera dans sa chambre, puis tu reprendras ton lit. Jamais de la vie, coucher dans ses draps. Mais c'est pas ses draps, c'est les tiens! Mais elle a couché dedans, ça me suffit! Naturellement. Il s'agissait de coucher dans les draps du modèle tout nul, hein? Tu ferais moi le dégoûter? Bah tiens. Qu'est-ce que je disais? T'aimerais mieux ça, hein? T'aimerais mieux ça, dis? Cochon! Oh, la barbe! C'est ma tante qui me demande. Ah oui, venons un peu ici, Annette. Vous ne savez pas ce que dit monsieur? Oh hein? Non, ma tante. Il dit que j'ai laissé un porte-manteau. Ah, bien, ma tante. C'est pour lui dire ça que tu fais lever la bonne. Parfaitement, monsieur. Je veux qu'elle te dise elle-même ce que l'on pense de ma poitrine pour te prouver que tout le monde n'est pas de ton avis. Qu'est-ce que vous me disiez l'autre matin, justement, à propos de ma poitrine? Je sais pas, Martha. Mais si, quoi, j'étais en train de faire ma toilette, je vous ai dit c'est égal, hein? Il n'y en a pas beaucoup qui pourraient montrer d'aussi ferme que ça. Hein? C'est pas qu'est-ce que vous m'avez répondu? Ah oui, chétis, ça c'est frais, Martha. Quand j'ai foilé les miens à côté, on tirait deux pésards. Là? Eh ben, tu l'entends, hein? Ah, quoi, quoi? Qu'est-ce que ça prouve? Jamais contesté que tu es une gorge rare. Mais entre le rare et l'unique, il y a encore une marge. Eh ben, désormais, tu pourras faire ton deuil de ma gorge. Oui, hein? Et ben... Ah, puis pas touche. Allez, voyons. La garde pour d'autres qui sauront l'apprécier. Eh ben, garde-la pour d'autres. Garde-la pour qui tu voudras. Pour le pape, si tu veux. Ah non, non, la patience qu'il faut avoir. Ah ben, allez vous coucher, vous. C'est pour ça qu'on m'a fait lever. C'est pas moi qui vous ai fait lever, c'est madame. On aura aussi bien fait de me laisser dormir. Oh, c'est bien, Annette, n'est-ce pas? On ne vous demande pas vos réflexions. Puis tenez, puisque vous êtes levé là, vous allez en profiter pour monter dans votre chambre puis rendre son lit à monsieur. Ah, du tout, elle l'a pris qu'elle le garde. Moi, je coucherai ici. Avec moi? Ah, ça non. Oui, ben, tu coucheras où tu voudras, mais c'est le lit conjugal et j'y ai droit. Soit. Mais si tu espères quoi que ce soit, bah tu te mets le doigt dans l'œil. Non, mais je te demande quelque chose. Oui, bah ça se trouve bien. Eh ben, allez vous coucher, vous. Oui, monsieur. Allez, la Joconde, allez. Quelle boîte. Ah non. Non, Lilon, ce serait trop raide que t'ailles t'exciter sur une autre, puis que ce soit moi, après ça, qui... Je ne joue pas les doublures, moi, t'entends? Je t'en prie, je suis fatigué, tu me diras ça demain. T'as raison, tiens, au lieu de discuter, je ferais bien mieux de dormir. Et ça, non. C'est égal. Je suis pas changée que la bonne t'est rivée ton clou. Non, écoute, tu veux que je m'en aille? Oh, bah attends si tu veux. Non, mais d'abord, qu'est-ce qu'elle sait, la bonne, hein? Qu'est-ce qu'elle sait? Évident que s'il n'a comme point de comparaison que sa poitrine à elle, ça je t'accorde contre les deux. Ah bon, parce qu'il te faut l'avis de gens plus compétents. Ah bah c'est bien, dis donc, demain, nous avons le chef de parfumerie des Galeries Lafayette, hein? Puis monsieur Godot a dîné. Ouais. Ben, je leur montrerai ma gorge, puis me donneront leur avis. Non, mais t'es folle? Pourquoi? Tu dis toi-même que c'est pas inconvenant? Ben, c'est pas inconvenant quand on est toute nue. Eh ben, je me mettrai toute nue. Oh non, elle est folle, elle est complètement folle. Les emporte-manteaux, ça c'est oh non, non, grâce, grâce, tu m'abrutis avec tes larmes. Ah, tu veux pas te coucher, toi, non? Tu vas pas te promener toute la nuit en roi soleil? Non. Mais qu'est-ce que t'as encore? J'ai mal à l'estomac. Ah! Allons, bon, là, autre chose, tiens. Je voudrais qu'Annette me fasse de la camomille. Oh, c'est bon, va. On va t'en faire, de la camomille. Qu'est-ce qui te demande de te lever? Je peux faire ma commission moi-même. Ah non, je veux pas que tu puisses dire que je te laisserai crever. Je connais mes devoirs et je les remplis, moi. Bon, hein? Bon, bien, parfait. Annette! Annette! Allez, levez-vous. Levez-vous. Encore? Encore, encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore? Parfaitement, encore. Et puis faites de la camomille à monsieur. Oh, là, là, de la camomille à 5 heures du matin. Moi, j'en ai assez, ça. Est-ce que tu peux l'embêter, cette bonne? Quoi? Oh, ça, c'est un comble, alors. Dis donc, c'est moi qui l'embête, mais est-ce que c'est pour moi, la camomille? Est-ce que c'est pour moi? Mais c'est mon souper qui n'a pas passé. Mais naturellement. Voilà ce qu'on nous rapporte à nous, hein? Les indigestions de ces ripailles extérieures. On ne trouve pas sa femme suffisante pour ses distractions, mais... On la trouve assez bonne pour vous servir de garde-malade. Dis donc, ma chérie. Ma chérie. Quoi? Il sera bientôt prête, la camomille. Bah attends, faut que ça bouille, quoi, tu sais bien. Oui. Quoi? Oh, j'aimerais vomir, moi. Ah non, alors là, tu vas pas vomir, hein? Je t'ai pas épousée pour ça. J'ai pas dit je vais, j'ai dit j'aimerais. Tu sais très bien que je ne peux jamais. Oh oui, je sais, là, en pitié. Faut pas encore autre chose pendant qu'on est là? Ben, je sais pas, Annette, demandez-le à monsieur, c'est monsieur qui est malade. Mal à l'estomac. Ou si monsieur n'était pas allé faire le bolichinelle dehors? Maintenant, vous n'allez pas vous mettre de la partie, vous. Oh, moi, j'ai dit ça. Oui, bah, allez vous coucher. Oh, ça chauffe bien. Ah, non. Ah, si. Bah, je parle à madame. Ah, bon. Non, si les domestiques s'en mêlent à présent. Oh, bah, quoi, je pas. Elle a raison, quoi. Ça va être stupé. C'est possible, mais ça ne la regarde pas. Ils ont dit que je m'en déconne. Parce qu'il y a M. Baudot et les deux frères Espagne qui ont proposé d'aller manger un morceau. C'est pas un crime. Bah, non, c'est pas un crime. Évidemment, c'est pas un crime. Mais cet idiot l'a dû manger. Tenez, une indigestion. Ah, ce besoin de souper. Qu'est-ce qu'a payé? Oh, personne. Comment personne? Enfin, tout le monde, chacun son écho. Ah, ça m'étonne que tu ne sois pas toi, alors, avec ta manie d'ostentation. Moi? Oh, absolument, tu es ras dans ton ménage. Oh. Mais du moment qu'il y a des étrangers, alors là, la folie des grandeurs. Moi, j'ai la folie des grandeurs. Mais la folie, est parce qu'il n'y a qu'à te voir. Hein? En quoi te déguises-tu? En roi soleil. Je te demande un peu, tu vas te mettre en roi soleil par un temps de plus, c'est la ridicule. C'est toi qui es folle. Oui, seulement voilà. Ça te flattait, là, de te pavaner en week-end. 14. Quoi, 14? Oui, le roi soleil, c'était Louis XIV. Oh, oui, on sait que tu veux. Oh, c'est bien toi, ça tient. Tu vas me chicaner pour un Louis, mais quand il s'agit de ton plaisir, tu n'y regardes pas. Oh, exquis, charmant, délicieux. Qu'est-ce que t'as dépensé pour ton souper? Oh, mais ce que je sais, moi. Tu ne sais même pas ce que tu as dépensé? 11 francs 75, là. 11 francs 75 pour de la boostify, qu'est-ce que je disais? L'autre jour, oh, quel mufle, alors. Dis donc, l'autre jour, quand j'ai eu le malheur d'acheter un flacon de Roscotti, tu m'as dit que je te ruinais, hein? Et toi, tu dépenses 11 francs 75 pour ton souper? Mais moi, mon flacon gelé, oh, oui. Ma Roscotti, j'en profite, tandis que toi, ton souper, hein? Eh ben, où est-il maintenant? Mais là, là! Là, là, ah, t'es bien avancé, hein? Comme si tu n'aurais pas mieux fait de les mettre de côté, tu vois, en 175, pour payer le tapissier, tiens. Ouais, ben. Tu dois 800 francs au tapissier, tu ne vois pas lui offrir en 175. Bah, au moins, tu lui aurais prouvé ta bonne volonté si je te parle de lui, c'est qu'il est venu aujourd'hui. Hein? Ouais, et il a déclaré qu'il en avait assez d'être lanterné. Si tu lui versais pas un fort à ton compte, il t'enverrait du papier timbré. Et ça, aux Galeries Lafayette. Hein? Alors, tu vois comme ça fera bon effet. Ah, il a dit ça. Ouais. Ah, il fait du chantage. C'est bien, monsieur. Comptez lui faire un versement. Quand? Et quand j'aurais pu. Mais puisque c'est comme ça, il peut se brosser. Et tu vas dépenser 11 francs 75 pour ton souper. Oh non, toi, écoute, fous-moi la paix avec mon souper. Non, mais à ta place, je l'aurai sur l'estomac. Oui, ben je l'ai, nom de Dieu, je l'ai. Ne crie pas comme ça. Voilà une heure que tu me l'éreintes avec tes discussions. Ouais, alors ça, c'est le bouquet. Alors c'est moi qui discute, c'est moi qui l'éreinte. Alors tu veux pas te coucher, non? Oh, pas dormir. Si, dormir, tombe de sommeil. Ben, moi aussi, bonsoir. Bonsoir. Et puis flûte, tiens. Et puis flûte. Oh, pied, voyons. Pied, voyons. Oh, se coucher. On va pas lever pour un boulet de canon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est la porte d'entrée. Oh, bah pour qu'on s'en assure, il faut que ce soit quelque chose de grave. Oui, ça doit pas être une visite. Oh, j'ai peur. Allons, un peu d'énergie, que diable, faut partir, c'est à bas. Mais t'en parles à ton aide, c'est un homme, toi, tandis que moi, hein. Quel tuil encore, bon Dieu, quel tuil. Oh là là, où est-il, ma femme? Qui? Où est-il, mon peignoir, oui. Mais attends, tu tiens à la main, ton peignoir. Oh là là, c'est lui, Annette. Annette! Oh. Alors Annette, quoi, vous n'entendez pas qu'on sonne, non? Encore? Mais bah oui, encore, allez, levez-vous, allez, ouvrez, qu'est-ce que c'est que ça? Mais on veut me faire gréver! Mais non, vous ne graverez pas, allez, dépêchez-vous, allez, ouvrez! On veut me faire gréver? Moi, j'en ai assez trois fois dans la... Oui, bah, pourvu qu'il soit pas arrivé quelque chose dans la famille. Julien va nous donner le trac. Du bois. Oui, mais tu comprends bien que si tout vraiment... Du bois, je te dis! Oui, mais tu comprends bien que si... Mais pas, ça, c'est du marbre! Hein? Non, mais il y avait de la bombe, hein, de la bombe! Il y avait de la bombe d'un malheur, quoi, tiens! Vous faire un votre livre, mais allez ouvrir. Oh. Je ne veux pas crever à la tête. Allez ouvrir, espèce de tête carrée. Ah oui, mais on fera un livre. Voulez-vous ouvrir, enfin, oui ou non? Faites bonne, vous êtes bonne. Oh, qu'est-ce que... Je vous écoute. Vous êtes le nouveau valet de chambre de la mère de madame. De maman. Il est arrivé quelque chose à maman. Il est arrivé quelque chose à maman. Ne crie pas comme ça, ne crie pas comme ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à maman? Mais qu'est-ce qui est arrivé à maman? Mon Dieu, madame. Oh. Quoi, ben répondez, au lieu de regarder mon costume, il n'y a rien d'extraordinaire, non? Mais écoutez, un accident? Oh non. Ah ben là, tu vois, pas d'accident. Oh. Seulement, elle ne va pas bien. Mon Dieu, maman ne va pas bien, mais qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle est malade. Oh, mon Dieu. Très? Ben, plutôt. Oh, tu vois, Lucie, maman est malade. Tu vois, maman est très malade. Je dis très malade, c'est une façon de parler. Parce qu'à vrai dire, elle est plutôt... Elle est plutôt... Ben quoi? Mais quoi? Enfin, qu'est-ce qu'elle est plutôt? Elle est plutôt... morte. Oh. Oh. Oh, voilà ce que je craignais. Seulement, on m'a recommandé de préparer doucement, madame, pour pas la révolutionner. Oh, quelle catastrophe, au moment où on allait se coucher. Madame, madame. Oh, vous avez bien besoin de venir dire ça, vous. Monsieur, on m'a dit de... Oui, on vous a dit, c'est bien, aidez-moi. Oui, monsieur. Mon Dieu. Ben, vous allez changer du vinaigre et des sels, le gris, mentier, ça ne sert à rien. Yvonne, ma chérie. Yvonne. Allez, tenez, prenez ça. Oui, monsieur. Ah, là. On porte madame sur le lit. Eh ben, qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais je la tiens. Mais en pleine façon d'attirer, vous voyez pas qu'elle a pas de corset? Oh, si monsieur croit que je pense à des choses... Mais je me fiche de ce que vous pensez, de ce que vous ne pensez pas, vous me lâchez ça. Oui, monsieur. Tenez, regardons si c'est pas de l'éther, la bouteille, pas du lit. Oui, monsieur. Cette façon de ploter ma femme, Yvonne, ma chérie. Mais pas là, là, sur la table, près du lit. Oui, monsieur. Allez donc, les draps, allez donc, les draps. Yvonne, mon Yvonne. C'en est, monsieur. Eh ben, c'est bien, moi, m'y donner. Yvonne, mon Yvonne. Voilà, monsieur. Un linge. Trouvez-moi un linge pour lui tamponner le front. Un linge. Y a-t-il un linge? Je ne sais pas, mon ami. Si je le savais, je ne vous demanderais pas. Cherchez. Monsieur. Oh. Non. Ah, ça. Yvonne, ma chérie. Yvonne, mon Yvonne. Ça peut-il faire l'affaire? Ben, je ne sais pas, mon ami, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'une chemise de jour. Ouais, ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? Faute de mieux. Allez, mettez-vous à genoux. Oui. Eh oui, un chanfon. Un chanfon. Un chanfon. Je vais pas chercher un chanfon. Si, monsieur, un chanfon. Bon. Allez, venez. Voilà. Là, le bouchon. Le bouchon, là. Le bouchon dans mes dents, le bouchon. Oui, monsieur, dans les dents. De l'éther. De l'éther. Yvonne, ma chérie. De l'éther. Oui, monsieur. Yvonne, ma chérie. Yvonne, mon... Oh, franchement, vous savez, vous... Vous auriez bien pu attendre jusqu'à demain pour venir nous annoncer une nouvelle pareille. Si monsieur croit que c'est pour mon plaisir... Ah non, mais c'est peut-être pour le nôtre. Je demande un peu ce qui pressait. Évidemment, ma pauvre belle-mère, c'est très malheureux, mais enfin quoi, d'ici à demain matin, ça serait pas envolé. Et madame n'aurait pas eu sa nuit troublée. Ni moi non plus. Je suis désolé, monsieur. La prochaine fois, je saurai. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la salière. Mais qu'est-ce que j'en fasse? C'est monsieur qui m'a demandé des sels. Des sels, bougre de moule, pas du sel! Pensez pas que je vais saler madame, non? Qu'est-ce que j'essaie, moi? Je suis bas médecin. Oui, oh, ben, ça va bien. Allez, tenez, emportez ça, écartez-vous. Voilà, oui, madame, monsieur, qui ouvre les yeux. Yvonne, ma chérie. Oh! Yvonne. Oh, mais qu'est-ce que j'ai? Hein, mais rien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans eu? Rien du tout, ma chérie, rien du tout. Mais alors, pourquoi suis-je par terre? Hein? Pourquoi suis-je par... Oh, oui! Oh, maman! Allons, un peu de courage, que diable. Tout espoir n'est peut-être pas perdu. Mais qu'est-ce qui peut arriver de pire, puisqu'elle est morte? Ben oui, justement, le plus terrible est passé. Oh, ma pauvre. Songe combien ta pauvre maman souffrait de ses rhumatismes, tiens, justement. Eh ben oui, ben elle ne souffre plus, elle. Tandis que nous sommes là, elle a pleuré. Elle repose, elle. Elle est bien heureuse. Qu'est-ce qu'aurait dit qu'elle s'en irait si vite? Eh oui, ça, quand tout à l'heure je me demandais comment j'allais payer le tapissier, je pensais pas que... Non, ma pauvre maman, hein. Eh oui, ta pauvre, brave, digne et sainte femme de mère. Je pense que j'ai mal au rein. Dis donc, mon Yvonne. Quoi? Tu ne voudrais pas t'asseoir, mon chéri? Non, quelle importance a-t-il que je sois sur une chaise ou par terre? Mais oui. C'est sous terre que je voudrais. Ça vous grève le cœur. Non, mais... Qu'est-ce que vous m'avez mis sur la figure-là qui me colle? Mais rien, ma chérie, c'est de l'éther. Quel éther? Qui était dans la bouteille. Oh, c'est stupide, c'est du sirop d'éther. En pleine idée. Sirop. Oh, j'avais pas regardé l'étiquette, je m'étais contenté de sentir. Ah, vous êtes malin, mon ami, vous êtes malin. Ah, d'ailleurs. C'est bien. Quelle importance ça a-t-il quand on a le cœur en croix. Ça paraît simplement un peu doux, Annette, que je me débarbouille. Oui, maintenant. La pauvre chère femme, te souviens-tu comme elle était bonne? Oh. Qui? Mais maman! Ah oui, là, pour toi, si pleine d'indulgence, quand je pense que tu l'as bousculée, que tu l'as traitée, il n'y a pas deux jours encore, t'as été jusqu'à la pêche à mots. Oh, oui, ben comment as-tu pu te laisser aller jusqu'à la pêche à mots? Oh, je pensais pas qu'elle mourrait. Ben voilà, c'est ton châtiment aujourd'hui, hein, penser qu'elle est partie avec le souvenir de ton manque de respect. Chameau, ma sainte mère. Oh, mais que ta conscience s'apaise, ben, je connais mieux que personne quel trésor de miséricorde renfermait le cœur de maman. Aussi, je crois être l'interprète de son sentiment dernier en me disant, eh ben, va, Lucien, on te pardonne. On te pardonne. Non, mais dis-toi, tu dors, hein? Excuse-moi, c'est un petit moment de fatigue. Fatigué. Maman n'est plus, il est fatigué. Mais est-ce que nous ne devrions pas être là-bas? On va... Il me semble qu'on va. Oui, tu penses pas que nous allons nous coucher, non? Ah ben non. Bon, non. Ma chemise de jour, oui, ma chemise de jour. Mais je vous l'ai donnée à vous. À moi? Mais oui. Ah oui, la voilà, madame. Vous avez ma chemise de jour dans votre poche? Oui, c'est monsieur qui s'en était servi pour mettre du sirop sur la figure de madame. Ah, c'est insensé, ma parole. Eh ben, qu'est-ce que t'attends pour aller t'habiller? Ah, il faut... Ah, ben, il me semble qu'il faut. Je pense pas que tu vas aller là-bas en Louis XIV, non? Non. Oui, ils se mettent en Louis XIV quand on perd sa belle-mère. C'est rigolo. Ah, vous trouvez, vous? Non, du tout. Annette, donnez-moi mon costume de chevillette noire, ma cravate noire et mes gants noirs. Ah, non! Ah, non, alors tu vas pas t'habiller comme ça. T'auras l'air d'avoir commandé ton deuil d'avance. Ça ne se fait pas. Ah, oui, t'as raison. Le costume que vous voudrez, Annette, mon plus gai. C'est vrai, ça. Bon, quant à vous. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu perds la tête, toi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu changes de chemise ici, à présent? Et alors? Ben, tu vas pas te mettre tout de suite devant ce domestique. Oh, c'est pour moi, monsieur. Ça, alors... Ben, évidemment, c'est pour vous. Je perds ma mère, et voilà à quoi il regarde. Si j'ai une chemise ou si je n'en ai pas. Ben, on peut perdre sa mère et être convenable. Ah, toi. Annette, viendrai m'aider. Oh, mais quelle nuit, bon Dieu, quelle nuit. Heureusement, monsieur, que ça n'arrive pas tous les jours. Ah oui, si vous croyez que c'est rigolo, tout ça. Écoutez, ma fille, je sais pas ce qui se passe, mais on ne voit que vous ici. Mais je fais mon service, monsieur. Oui, ben ça va bien. Allez. Bon, quant à vous, vous allez m'aider. Hein? Oui, monsieur. Vous êtes intelligent? Oui, monsieur. Bon, alors vous allez aller... Ben, où allez-vous? Je ne sais pas, monsieur. Ah, oh, vous êtes malin, mon ami, vous êtes malin. Oui, avec tout ça, je sais plus ce que je voulais vous dire, moi. Ah, oui. Ben, je vais écrire, mon ami. J'ai pas besoin de vous. Pardon, monsieur. Merci. J'étais pas fier d'aller, monsieur, en venant ici. C'est la première fois que j'ai l'honneur de voir monsieur et madame. Mais vrai, j'aimerais mieux avoir à leur annoncer qu'ils avaient gagné le gros lot à la loterie des millions plutôt qu'une pareille nouvelle. Aussi, ça a été un rude poids de moins quand j'ai vidé mon sac. Mais vrai, j'aimerais pas avoir à le recommencer. Vous m'empêchez d'écrire, mon ami. Pardon, monsieur. Annette! Mademoiselle Annette! Monsieur vous appelle! J'appuie ma femme, monsieur! Je peux pas attendre une minute, non? Mais si! Ça ne sera pas long, monsieur! Madame a déjà sa chemise de jour! Ah, c'est trop fort, par exemple! Mais qu'est-ce que vous avez besoin d'aller fourrer votre nez, vous? C'était pour obliger, monsieur! Où étiez-vous donc m'obliger, oui! Passez-moi plutôt mes vêtements! Mes vêtements, là! Oh, allez, retirez-vous de là! Oh! Retirez-vous donc là! Oui, monsieur. Eh bien, venez ici! Oui, monsieur. Et aidez-moi. Oui, monsieur. Vous avez un fiacre en bas? Oui. Oui, ben alors, il n'y a pas de temps à perdre. Surtout que c'est un taxi auto. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est pas tous les jours fête! Oh, fête, monsieur. Oui, enfin, vous me comprenez. Oui, monsieur. Monsieur a fait soin de moi. Est-ce que madame est prête? Bientôt. Qu'est-ce que vous me demandiez? Si monsieur a fait soin de moi. Non. Ah, si, il y en a deux, mais pas vous, bougre de moule. Deux lettres, là, sur la table du secrétaire. Il faut les prendre et les mettre à la poste. Maintenant? Évidemment, maintenant. Il faut qu'elles soient distribuées demain matin à la première heure. C'est qui? Eh bien, où allez-vous? Je vais mettre une chip. Une chip. Si vous croyez qu'on fera attention à vous à 5 heures du matin. Je ne vais pas sortir comme ça en chip. Hein. C'est pas correct. Eh bien, prenez un bas-de-fer-pouf. Je n'ai pas des bas-de-fer-pouf. Eh bien, prenez mon par-dessus. Il est pendu dans l'antichambre. Non, c'est égal, c'est pas correct. Oui, ben ça va bien. Allez. De quoi qu'est-ce que je vais avoir l'air? D'une femme touteuse? Eh bien, si on vous enlève, vous viendrez me le dire. Comme une crue. Allez. Bon, donnez-moi Mes souliers ne sont pas au plafond. Oh, monsieur ne s'expliquait pas. Ah, vous êtes gardé gourdi, mon ami. Allez, c'est moi, je vous prie. Alors, venez. Eh bien, venez m'aider maintenant. Oui, monsieur. Oh, là. Oh, mais foutez-moi la paix. Oh, mais qu'est-ce qui m'a planté en un qui pareil. Dites-moi. Qu'est-ce que c'est que votre auto? Une Renault. Une Renault petite rouge? Oui. Oh, bah tant mieux. Ça va plus vite et c'est moins cher. À cette heure-ci, c'est une veine de l'avoir trouvée. Ah oui, ça c'est une veine. Oui, il n'y a pas à dire, nous sommes en veine. Oh là là. Eh bien, es-tu prêt, quoi? Voilà, tout de suite. Bon, vous avez une voiture? Oui, madame. En bas. Oui, une Renault petite rouge. Ça va plus vite et c'est moins cher. Là, Voilà, ben, je suis prêt, moi. Ta perruque ! Hein ? Tu avais ta perruque, voyons. Ah, ben, bah, tu m'as eu. Oh, tu m'as eu. Oh là là, au moment de sortir, tu vois, le courage me manque. Oui, oh, ben, ça ne m'amuse pas non plus, mais il y a de cruels devoirs dans la vie. Pardon. Allons-y. Oh, madame. Elle n'est pas trop changée, au moins. Oh non, du tout. Ma pauvre maman. Dites-moi qu'elle n'a pas trop souffert. Oh, pas un instant. Elle était très bien portante. Elle avait mangé de bon appétit à son dîner deux tranches de gigot. Deux tranches de gigot. Deux tranches de gigot. Deux tranches de gigot, oui. Après le dîner, elle avait fait deux ou trois patients, et puis elle était allée se coucher avec monsieur. Oh, ma pauvre maman. Ma... Monsieur. Monsieur. Comment maman était couchée avec un monsieur? Quel monsieur? Monsieur Fagenel, le père de madame. Mon père? Où ça, son père? Qui ça, son père? Ma belle-mère est veuve. Oh, mon Dieu! Quoi? Vous n'êtes pas monsieur et madame Pinvinette? Pinvinette! Non, monsieur, nous ne sommes pas les Pinvinettes. Est-ce que nous avons l'air de Pinvinettes? C'est sur le palier à droite, les Pinvinettes. Est-ce que c'est pas le palier droit, ici? Non, monsieur, c'est le gauche. Le droit, quand on sort l'ascenseur, c'est le gauche, quand on prend l'escalier. Il faut prendre l'escalier comme tout le monde, non? Oh, mon Dieu! Quoi? Mais alors... Il va falloir que je recommence à annoncer. Oh. Mais vous ne pensez pas que je veux y aller pour vous? Comment c'est moi qui étais si content d'être débarrassé? Ah, jamais vu un imbécile pareil. Des émotions, on dire que sa mère est morte quand elle ne l'est pas, hein? Je suis désolé. Le maladroit. Mais vous foutez le camp, espèce d'idiot, crétin. Mais monsieur, c'est pas de ma faute. Vous devriez être content. Content, brute, imbécile, chameau. Ça, c'est trop fort. Vous m'engueulez parce que votre mère n'est pas morte. Je ne peux rien, moi. Allez, vous foutez le camp, nom de Dieu. Ah ben moi, je m'en souviendrai. Par exemple. Oh, voilà. Foutez-moi le camp. Quelle brute. Une émotion pareille, hein. Eh ben la voilà, ta mère. Voilà ce qu'elle nous fait, ta mère. Dis donc, qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que je veux dire demain matin au tapissier, moi? Quand il apprendra que ça, c'était une blague, que ta mère n'est pas morte. Comment, quand il apprendra, t'as pas besoin de lui apprendre? Oui, mais je lui ai écrit. Déjà? Ben évidemment, parce qu'il nous embête, cet homme. Je lui ai écrit que j'allais pouvoir le régler, ayant eu la douleur de perdre ma belle-mère. Misérable. Alors tu escomptais, maman? Ah ben, je pouvais pas me douter que tout ça, c'était une blague. Oh, le chameau, le chameau, le chameau. Oh, dis forcément que t'as pas de chameau. Oui, parfaitement, chameau, chameau, chameau. Ah, l'embêtement. Ah, oui, chameau. Oh, tais-toi. Quoi? Les domestiques qui sonnent à la porte d'à côté. Ah ben, je m'en fous. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. C'est les voisins. Ah, réjouis toi du malheur des autres. Mais dis donc, je pense que ça aurait pu être moi, hein. Plus souvent. Ah, nous sommes bien. Nous voilà bien. Voilà, c'est fait. Ah, les lettres. Qu'est-ce que vous avez fait des lettres? Je les ai mises à la poste. Ah, elle les a mises à la poste. Ah, bah bien, oui, puisque ah, vous avez fait un joli coup. Qu'est-ce que vous aviez besoin de vous presser comme ça? Comment? Mais c'est monsieur qui m'a dit. C'est que tout à l'heure, la mère de madame était morte. Oui. Et maintenant, elle ne l'est plus. Ils sont fous? Non, c'est la dame d'à côté, le domestique s'était trompé de palier. Non, mais c'est vrai. Oh, que je suis gondande. Que je suis gondande. Oh, elle est gondande, elle est gondande. Mais oui. Mais c'est que monsieur, lui, il regrette, hein. Oh, là, voyons. Il aurait été content, là, d'enterrer, maman. Oh, là, là, d'enterrer. Oui. Au nom de Dieu. Quoi? Et ma lettre à Borgnole. Quoi, ta lettre à Borgnole? Oui, j'ai écrit à la maison Borgnole de venir demain matin chez ta mère pour s'entendre pour le convoi. Tu Eh ben, on en sera quitte pour envoyer un télégramme demain matin. On l'a tué. Oh non, écoute, est-ce que tu vas te taire, toi, à la fin des fins? Est-ce que tu vas te taire? Foutez-moi le camp, vous. Est-ce que tu vas te taire, je te prie? Foutez-moi le camp, vous. Oui, vous la tuez. Moi, je m'en foisonne. Parfaitement, je te le répète, tu les emportes. Foutez-moi le camp, vous. Tu les emportes, Toto. Écoute, j'aime encore mieux les coucher dans les bras de la bonne. Mais ne criez pas, madame. Faut pas crier comme ça, madame. La barbe. Ah, on m'y reprendra, moi, à rentrer chez moi à 4h du matin. Tiens, c'est la dernière fois. Je resterai dehors la prochaine fois. Tu m'entends? Je resterai dehors, sous la pluie, tout seul. Oh non, ça, alors là, qu'est-ce qui m'a flanqué? Mais quelle nuit. Oh, oui, cette mayonnaise. J'aurais pas dû en reprendre.